4h du matin, deux pieds dans l'air. Regardant les étoiles comme Arthur Rimbaud. T'imagines la puissance, perception, les portes de la perception. Quand les étoiles scintillent dans le ciel, tu deviens un dieu vagabond. Comme un dieu vagabond, un satyre chassé des dieux. Tu ne pourras revenir dans le domaine des dieux que si tu acceptes reconnaître tes erreurs. Va falloir travailler. Cherche un psychanalyste avisé. T'en prends pour 30 ans d'analyse. Condamné. Par toi-même. Liberté, pose ton sac à dos, abandonne tes idéaux, essaye, rate, essaye encore, try, fail. Try again, try, fail. Try again, try again, try again. Fail better. Rate mieux. Rate mieux, mon fils. Essaye encore. Mets ton corps en action. Vas-y à fond. Embrigade. Crois-y. Engage-toi. Un jour, tu vas trouver qui je suis, qui nous sommes. Finalement, nous croyons en beaucoup de choses irrationnelles. Finalement, est-ce que le collectif a raison ? A ses raisons que le cœur ignore, ma raison, ha. your friend is everything, it's in the right place. Your friend is everything, it's in the right place. Your friend is everything, it's in the right place. Your friend is everything, right place. Le plus attendre, le plus espérer, le plus se distraire, désarçonner. No way, no hope. I'm just saying I'm busy. Oh yeah, oh no, oh yeah, oh no. Tell me, tell me, tell me. It's real.